Bonsoir. Bonsoir. Je remercie beaucoup Al de m'avoir invité ce soir. De rien. Merci. J'ai plein de choses à raconter. Je voudrais commencer par la première, qui est tourner la police au ridicule sur une affaire de stupéfiants, que les stupéfiants n'en avaient rien à foutre. Je me fais arrêter par une brigade de la main de tous avec un pot d'herbe. Les stupes interviennent, oui, de la locale, ouais. Regarde mes veines, se drogue pas, et se retourne vers l'assemblée de bleu. Bientôt, tonton, soit Mitterrand, va dégager tout ça. Il y a un gros manque de chance. Il y avait un fils en question qui était un des trois mecs qui m'ont donné ma démission de l'armée. Ils avaient mon carnet d'adresse. Ils ont fait toute la montagne. Quand j'avais destination, il paraît que t'étais arrêté 25 kilos. Ben non, 50 grammes, le reste de ma récolte. Pardon, les 25 kilos d'herbe. Quitte à faire le retour à la terre. Sans leur ami, autant être bien assis. On était, mes amis étaient donc assis sous des coussins en herbe, dont la police fait la récession du siècle. 25 kilos d'herbe des prés. Terminé. Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est actuellement 21h et une vingtaine de minutes. Et c'est l'émission Nuisance avec Thirou et Al. Incidemment, nous sommes le 7 décembre 2012. Je voudrais rajouter que la loi est mal foutue. Vraiment très mal. Ils sont pas capables de se passer les messages les uns et les autres. Je suis encore paru comme un gros con devant une brigade de police cet après-midi pour une soi-disant lettre au parquet. J'avais envoyé l'original de ma plainte à mon tuteur. Un tuteur, en principe, c'est là pour t'avoir ton fric, pour te le gérer. Eh ben, celui-là, depuis que je l'ai, je n'ai plus un seul droit civique, même pour porter une déclaration de perte de pièces d'identité. Ce pont-là voulait que je signe ma mémoire me l'a démoli. On ne peut pas savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. J'ai 3 articles de presse dans les journaux. Un à La Rochelle, sur mes œuvres où je réinventais la genèse. Un tiers de page, c'était les couleurs de la ville. Un autre à Bordeaux, dans la rue piéton. Va voir ce peintre merveilleux. Et on vient me rattraper coup de la dépêche. J'en ai aussi dans la dépêche. Mais j'ai pas récupéré le vrai. On m'a donné une dépêche truquée. Je suis un peintre inutile. Je suis bon à rien et je n'ai besoin que d'un appartement. L'appartement, je l'ai eu, merci à la caisse de santé, mais quand même, c'est tout ce qui m'arrive, c'est grave. Il y a une folle qui m'a dit, en passant derrière mon dos, alors que je gagnais l'équivalent de $200 par jour, un vulgaire travail. Depuis, je n'ai pas le choix. Je dois travailler. Et non plus m'exprimer comme dans mon métier d'art italien. Ça faut le faire. Et la police s'en bat les couilles. Faut le faire. Multiplicité de vol. Fonction génitale coupée. Fonction sexuelle coupée. Nœud à l'estomac. Ulcère à l'estomac. Perte des fonctions mémorielles. Et perte de mémoire immédiate. Qui fait le coup? La police ne veut rien entendre. JP Yeman. Bienvenue. Bienvenue à toi. Ok, alors JP Yeman de l'association Culture Reggae qui a organisé le festival du reggae au minimum en septembre. Je suis le DJ reggae JP Yeman. Eh ben moi Théo, en travaillant, en posant des affiches pour trois centres culturels à Saint-Nazaire avant que je m'en aille, est réalisé avec 60 000 francs de l'époque, soit 6 bâtons, soit 10 000 euros. La fête de la mère de Saint-Nazaire. Deux jours de spectacle avec chapiteau fourni. La sono payée et tous les musiciens payés. Voilà un peu ce à quoi je pourrais servir. Donc on parlait de cul à l'instant, on parlait d'encule et de se faire enculer. Bienvenue sur Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Bienvenue quoi, et on parlait d'encule, d'essayer d'enculer quoi, de sodomie et de trou du cul aussi. Pour ma part, c'est de ça que je parlais à l'instant. Et je voudrais en reparler un peu plus tard, peut-être. Je voudrais vous... Moi, le truc du cul, ben, c'est mon monsieur. Vous parlez de mon cul, ça serait super. J'aimerais être super content de parler de mon cul, s'il vous plaît. QRST. UV. UV pour bronzer. Bronzer du cul, c'est ça. Il faut montrer ses tripes. Vas-y, montre-moi tes tripes. Ils sont à combien tes tripes? Ils sont pas chers tes tripes, j'en veux bien. Tiens. Montre-moi tes tripes. Moi je préfère le. Comment ça s'appelle le tablier de sapeur. Dans les tripes. Le tablier de sapeur. Parce que ça pompe. C'est pas pompier. Ça pompe. Ah oui, j'ai appris un nouveau mot aussi. Sapeuse pompière. Pareil, c'est dans le dictionnaire. Sapeuse-pompière. Sapeuse-pompière. Ouais, sapeuse-pompière. Ouais, sapeuse-pompière à la nuit, toi, je comprends. Elles ont pas les gueules de pute, les sapeuse-pompière. Moi, tu rouilles, moi rouge, hein. Bah ouais, mais c'est l'ampoule, hein. C'est l'ampoule non, rouge, évidemment. Hein. On est à l'antenne. On est à l'antenne, alors forcément c'est une ampoule rouge. Je le vois tout rouge. Non mais t'énerve pas, c'est pas la peine de s'énerver hein mec. Oh bienvenue au fait, un autre parmi nous. Yeman a déserté, il avait son plan, il s'est tiré. C'est dommage parce que je l'aime bien. Mais même si parfois il est un peu gonflant. Je sais de quoi je parle. Je suis un peu saoulant aussi. Ah, moi aussi. Je suis même carrément chiant des fois. Je kiffe. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qu'il s'est. Qui, j'avais fait écouter la radio en. Comment ça s'appelle? En balado diffusion. Sérieux? Et qui m'a dit quand même, c'est un peu brutal, nuisant. Ah, attends, ah, je me lâche un peu là. Attends, donc j'étais en train de péter. Donc c'est brutal, nuisance? Non, la flatulence, ça n'a jamais été brutal, c'est plaisant. Ah non, mais ça, c'est... Ouais, c'est un truc... Non, ça dégage, c'est tout. Ouais, Marcy, t'as raison, c'est vrai. C'est pas très agréable pour les autres. Pour lesquels les autres? Pour nous. C'est nous les autres. Tu veux que je raconte une histoire de pétomanie? Ouais, parce que tu te souviens... Non. Est-ce que ça pas de ça ici. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu pètes et tu sais que t'as un peu mal au... Comme aux intestins, Et quand tu pètes, que c'est un peu humide et que ça fait comme si t'avais les fesses qui vibraient, que ça faisait comme des... Flork. Ah ouais, ça me fait penser... La dernière fois que j'ai dormi chez des gens... Non mais ça c'est un truc. Non, il y a pas moyen. C'est une anecdote en non, fait. La dernière fois que j'ai dormi chez des gens où il y avait plein de gens. Donc je dors, machin, tatitata, et on me donne une piole à côté d'une autre piole. Et dans l'autre piole, il y avait des cums, du moins un mec et une nana qui niquaient. Et ça faisait super longtemps, et ça fait toujours aussi longtemps, du moins ça fait 10 ans que j'ai pas niqué, et je me rappelais plus d'un truc. Et à un moment donné, j'entends un vieux bruit, pas l'histoire qui nique, parce que. Ouais. Mais le truc, tu sais, quand ça fait. Quand t'es en train de niquer une meuf, et que c'est tellement humide que t'as l'impression que ça fait. Ouais, foudre. Et en fait, c'est un truc, c'est, on oublie toujours ce bruit-là, mais c'est humide. Je vais vous raconter une histoire sur une pétomane. Ma mère. Ah, je sais pas, elle est flatulence. J'ai pas assez de respiration pour l'imiter. Un coup, elle pète de toute son aisance. Et ça m'atteint les narines. Je détourne la tête dégoûtée. Et elle était là appuyée sur les pieds de mon père en me montrant du doigt satisfaite. Regarde. Elle va recevoir une lettre très méchante d'ici demain. Bon, on n'entend plus rien au bruit derrière, j'aimerais que vous parliez moins fort. Parce que c'est quand même une émission bruitiste, donc c'est une émission de noise. Donc c'est vraiment important qu'on ait l'impression qu'il se passe rien et qu'on se fasse chier jusqu'au bout, quoi. Et que ça fasse mal au cul à force. Ah ben d'en non, parler, quoi, non, je veux dire. Tu veux dire qu'on est divertissant, qu'on fait de l'entertainment? Non, on flatule, on fait de la merde, on pue. Chier, quoi. De la grosse daube, quoi. Et voilà, le de Yémen. Alors Yémen, oui. La journée de Bernard, c'était comment? Et l'ancêtre, tu parles dans le micro, hein, sinon t'entends pas. Hein. Eh ben, le micro est ouvert, collègue. Alors, JP Yémen, motivé Zebda, créateur de journal. C'est un compté que JP Yémen, il a commencé la radio en 78 par l'interview de Bob Marley. Yeah, voilà. baby. À Radio Barbe Rouge. Eh ben moi, je n'ai fait qu'un interview dans ma vie. C'est celui de Claude Nougaro. Claude Nougaro qui avait une paire de couilles, donc. Comme tous les mecs sur cette planète, tous les humains, des mâles ont une paire de couilles. Ou des fois, ils en ont qu'une, mais ils ont quand même une couille au moins. Donc, Claude Nougaro a une paire de couilles. Donc, j'ai dit ce soir le thème de l'histoire. Ce soir, c'est que Claude Nougaro a une paire de couilles, une paire de burnes. Claude Nougaro a des couilles. Eh bien, Claude Nougaro, ben, il connaissait ma famille. Mon grand-père, c'était le colonel FTP, franc-tireur partisan d'Arnaud Bernard. Loué sur la guerre. Et son brasseur est au musée de la Résistance à Toulouse. Bonne demoiselle. J'ai pas enregistré Claude se faisant interviewer par un vrai journaliste de Radio 7. Je lui ai laissé la main pleine. Et la fille pas fini à faire. Avec que nous gagnons, oui, c'est vrai, je baisse beaucoup. Je la prends, c'est que je la retourne et je la mets à terre, la France de merde qui pue. Nous gagnons, je l'interviewais sur son texte La Plume d'Ange. Bonjour, monsieur Nougaro. D'où vous est venu ce texte? Il a rigolé au moins Je vais pas exagérer, mais je vais dire 2 minutes. Et il m'a répondu, ah ben c'est très simple, ce texte m'est venu à l'esprit, j'étais sur le pont de Paris, je me rendais chez moi sur le pont de Paris, le texte m'est venu à l'esprit. Je suis rentré chez moi, je l'ai écrit de la première à la dernière ligne sans m'arrêter. Ça dure 22 minutes quand même. Vous connaissez moi, cynophile, parce que dans ma vie de Brest, mon meilleur pote est j'étais le gosse. Mon meilleur pote est un skinhead. Mon meilleur pote, c'est un skinhead. Mon meilleur pote est un skinhead. Ton meilleur pote est un skinhead. C'est un skinhead pas beau, il est laid, il est pas beau, il pue. Il sent mauvais le skinhead. Un skinhead ça sent mauvais, mais mon meilleur pote c'est un skinhead. Là tu me surprends et je vois pas. Mon meilleur pote c'est un skinhead, je l'aime tellement pas qu'il pue. Ah ouais, le bâton de l'OTAN. Mon meilleur pote c'est un skinhead, je l'encule. Je le prends, je le retourne, je l'encule. Mon meilleur pote c'est un skinhead. T'en veux ce que tu veux ou quoi? Mon meilleur pote c'est un skinhead qui pue du c'est cul. C'est pas lui qui il pue du cul mille. Tellement que je l'encule. Il pue du cul tellement que je l'aime pas. C'est et qu'il sent mauvais du cul. Mon meilleur pote est un skinhead du cul. Qu'arrive-t-il? Que m'a-t-il? Je t'entends pas. Quand je ne sais pas quoi dire, je garde le silence. Pardon, c'est moi, j'interromps toujours les gens en rotant mon cul. Donc moi j'essaie de porter plainte à la justice pour vol de retard depuis 1989 et ça m'interdit par mon tuteur. I wish you were the fucking. J'ai un autre article à Bordeaux. Dans la maison, va voir ce merveilleux. Ne fais pas le vrai de faux. Ne fais pas le vrai de paix. Venez-le au bois. Bien apprécié, ma grégère. Sur mes œuvres d'art. Fuck, fuck, fuck. Bon. J'ai vendu mon premier dessin, j'avais 16 ans, mais Dieu con m'avait volé tout mon argent de poche. Allez, je me repasse. Oh, I can see the people are everywhere. They can see the people, they're everywhere. I can't tell what you see. Man, what are you saying? I can't understand, I don't give a fuck. Qui fucking, fuck king. Where are you, oh fucking? I pray you every night, fucking. I wish you were dead. I wish you were dead. You're fucking, man. Je débarque chez une fille. C'est la première fois que j'ai sonné. Elle m'a ouvert. Elle m'a acheté des dessins à ma front. Et elle avait chez elle quatre premières pages de Charlie Hebdo. Sur les massacres de Pinochet au Chili. J'en ai fini par faire un attentat contre Le Pen. Parce que moi, les néo-fascistes. Non, c'est pas de ma veine. Tu veux un coup de verre, oui, Jacine? Ouais, je viens. Sid Barrett, ouais. Sid Barrett, c'est une fiotte, je l'encule. Ah non, c'est pour la télé. Enculé, c'est pas une insulte. Sid Barrett, je le sodomise, tu vois, parce que je l'aime pas, tu vois, il pue de la gueule. Moi, je fais mieux que lui avec mon piano, tu vois. Avec mon piano, je fais du Sid Barrett, regarde. Ouais, c'est moi qui fais du Sid Barrett avec mon piano tout mou dans le cucu, dans le cucu de mon fionfion, enculé de race de merde. Je m'encule à sec tellement j'aime pas mes parents qui puent de la gueule. Les enculés, c'est des fiottes et des fiantes de rats qui puent l'anus. Mes parents c'est des merdes et j'encule le monde parce que le monde appartient aux parents qui enculent les enfants, ouais. Je vais vous faire une chanson de merde. Ouais. Une chanson de merde, comme on m'a volé. Ouais, j'en ai une belle. Ouais, la merde, ça pue. La merde, ça pue. Acide, la merde, Barrette, ça pue. Acide, Barrette. La merde, acide, ça pue. Barrette, du cul. Acide, Barrette. Acide, Barrette. La merde, ça pue. La merde, ça pue. La merde, ça pue du cul. Je vais débattre de la merde, ça pue. Ça pue du cul, la merde. Je vais débattre de paix. Ça pue du cul. J'en ai ma gueule de la guerre. Ouais, je suis d'accord avec toi, 100%. J'en ai ma gueule de la merde, ça pue du cul. Ouais, ouais. J'ai fait quelque chose qui valait pas. La merde, ça pue du cul. La merde, ça pue du cul. La merde, ça pue du cul. La merde, ça pue du cul. La merde. Hey, qu'est-ce que beau. Ben, pas que. Hey, yo. On dirait du Jean-Louis Coste d'il y a 45 ans. Non, j'encule Jean-Louis Coste, il est mort pour moi, tu vois, je l'ai jamais aimé, j'ai jamais rencontré. D'ailleurs, s'il m'entend, hein, qu'il m'appelle pas, je l'encule. Tu vois, Jean-Louis Coste, je t'encule tellement. Ah ouais, ah Costes. Oh les icônes. Encule-moi pas. Je voudrais chanter une chanson. Mort aux icônes. Mais ça marche plus. Et les icônes aussi, mort aux icônes. Alors du coup je vais recommencer à zéro, tu sais. Ouais, recommencer à zéro, c'est comme se mordre la queue, c'est comme tourner en rond, c'est comme tout ce qu'on veut. On repart à zéro. Con. On est loin, bébé con. Ah mais je suis un gros connard, moi je les encule tous, ça va vous faire foutre. Ouais ouais, je suis con, ouais. Je suis con, ouais. Que vous soyez pas. Canal Sud 92, c'est l'émission Nuisance qui prend toutes ses responsabilités de merde dans sa gueule de fiante. Donc, j'ai deux tifs de quand tu me prendras dans ton fion, Papa Noël, viens prends-moi dans ton fion. Hey, Papa Noël, je t'encule pas. Saint-Nicolas Sarkozy, viens ici. Saint-Nicolas Sarkozy, viens ici. J'ai deux dessins d'humour accordés par les voix du Seigneur pénétrable. Je ne rappelle plus des paroles, mais de personnages. Je me rappelle que des titres. Elle est une, c'est la connerie de l'homme que savons est à l'hygiène. Et le deuxième titre, c'est la connerie de l'homme que le street au curé. Là là là, j'ai une cigarette dans la bouche. Si quelqu'un la veut, qu'il vienne la chercher dans ma bouche. J'ai une cigarette dans ma bouche. Si quelqu'un la veut, qu'il vienne la chercher, je lui file du feu. S'il veut. Il me le rend. Et il veut bien. J'ai une cigarette dans la bouche. Une cigarette dans la bouche. Et le rhum négrita. Et l'encule dans le sec du fion. Dans la merde pourrie du merde chiante. Fente de cul. Faisais gaffe, y'a des ragamuffins. Faisais gaffe, y'a des ragamuffins qui arrivent dans le studio et tout. Ils vont nous mettre tricard et tout, ragamuffins. Le cul, c'est beau. Mais c'est des musiciens, fais gaffe, c'est des musiciens. Ils aiment la bite. Ils aiment la bite. Et la bite, c'est beau. C'est beau la bite, ça monte la trique. Qu'à la cigarette qui fait rire et pleurer. La trique, ce que je veux c'est une bite. Dans la bite de merde, enculé de sale race pourrique. Mais t'as fait pas ça à JP Yaman, hein. Non, c'est pas JP Yaman qui a fait ça, non. C'est bientôt la troisième guerre mondiale. C'est bientôt la troisième guerre mondiale. C'est faisais fini, gaffe. C'est déjà fini, c'est la merde. Faisais gaffe, c'est la troisième guerre mondiale. C'est la merde. Fukushima, on t'aime. Fukushima, on t'aime. Bienvenue en direct de Fukushima, Nuisance. Alors, le réacteur est en train de fondre, vous l'entendez en live. Fini les babos, fini les babos, fini les écolos. Ça y est, le réacteur fond. On entend les morts. Plein de morts, il clame la toute puissance du Seigneur mort. Vive la mort, à mort, Le seigneur est un boucher. Le boucher est un seigneur. En direct de Fukushima, l'usine vous encule. Toujours, de partout dans le monde, vous encule partout dans le monde. C'est beau. Fukushima, forever. Flamanville, Fessenheim, chose. Wolfèche, Wolfèche. On t'aime. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis pour des pénalisations. Jean Danus, je t'aime. Est-ce que je connais tout? Je pense que les auditeurs de Canal Sud, à un certain moment, écoutaient l'émission du CRC, relative d'information en recherche cannabique. Tout à fait, on n'en a rien à faire. Arrête de penser, dépense. Arrête de penser, dépense. Pardon. C'est trop non. Non, c'est pas le moment. Lève-toi, poussier. Pour aucune de cannabis. Et pour payer des baissements. Alors, je trouve normal que l'on paye 20 euros une enveloppe de dirham d'herbe. Du dinantel? Ah non, pas dinantel. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu avec Lucien qui m'avait reçu chez lui. Et j'avais créé un comic shop à Toulouse. Et me reçoit chez lui. Elle me fait. Tu vois, c'est marrant. J'ai une enveloppe vierge de médecin. Je vais nous marquer quelques vitamines. Là, je dis à tel. C'est marrant! C'est marrant! Tu sais! C'est marrant! C'est marrant. Piassi, piano, piassi, piano, piassi, piano, piassi, piano. Vas-y, dis que je joue mal, tu sais. Je suis fait de la merde, toi, Tu m'as jamais aimé! Kubasi, cocano, Kubasi, cocano. Tu me détestes! Je t'aime pas non plus, tu sais! Je trouve que tu pues de la gueule! Je te l'ai jamais dit, tu sais! Tout le monde! Comme moi! Et tété! Puer de la gueule pour un étété! Un déformé, la gueule, un étété! Encule-moi maintenant! Et tété, tété, et tété, tété! Encule-moi, j'ai dit! Encule-moi maintenant! Maintenant! Avec tété, on va te trouver mieux! T'auras l'air con pour entrer! Si ça se trouve, il y a tous les cutards de Toulouse sur la Canal Sud! Parle-moi de mon fion! Tu sais, ça fait quoi, y'a... Alors, l'enfant! Je vais vous en parler! Parce qu'il y a Dieu qui m'a demandé de prendre le rôle de Jésus! Je n'étais pas trop d'accord! Je me sentais pas. Je me suis jamais senti rejoint dans ma vie. Côte sauvage, côte sauvage, côte sauvage, taureau sauvage. Bien bravo, brava. C'est l'enfer. Bravo. C'est la terre, c'est pour vous. Bravo, bravo, bravo, bravo, les ravis. C'est moi, Dieu, je vous encule. Voilà, c'est ça, donc nous en sommes venus. Joyeux Noël! C'est bientôt la fin du monde, le matin de mon histoire! Le matin de décembre 12 en Israël, nous en serons là! Nous en serons là pour vous le 21 décembre, vendredi 2012. À 21h. Vous avez vu comment le post-classicisme, post-moderne, ça continue à fonctionner, hein? C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment de la, du classicisme ressuscé, voire du pompier. C'est d'être du pompier. Ça doit pomper ici, ça doit pomper. Ça doit pomper. Sale! Parce que pomper, c'est pomper le Vésuve. Bon. Le Vésuve. Les Occitanes diraient le Vésuve. Oh, le Vésuve. J'y paye man, Anaconda. Tu serais pas de Marseille, toi? Bien sûr, je suis le premier album de Massilia Sound System par la patoise. Tu sais pourquoi? Parce que Mars, c'est hier. Eh ouais. Mars, c'est hier, ouais. Hey, coco! Yes, sir! Bienvenue, les gars! Yes, sir! Amazonia ou quoi? Yes, sir! Amazonia, c'est ma gueule! Hey, se demandait qui c'était le mort qu'elle avait chez elle en Amazonie. Un jour, j'ai retrouvé ma conscience. Un Amazonie ou un Amazonard? D'Amazonie. Amazonard. Je me tire. Donc, quand elle a connu toute ma bande, elle a pas eu des secondes. Elle est tombée du ciel, rampant des chemins. Je suis tombé de ciel et puis je rebondis. Parce que les cum de maintenant ils rebondissent. Fire, fire. Et moi ça me fait chier. Cette expression de merde. Hérétique. Et vas-y rebondis, vas-y rebondis, vas-y rebondis, vas-y rebondis, rebondis, rebondis et je t'emmerde. Territoire dégueulasse. Jean, panier de merde. Bon. Des fions partout, des fions. Vite, arrête, on est un télou là, on est un télou. Du maquillage. C'est pas un problème, non c'est pas un problème. Quand tu es avec JP, yeah man. Mars c'est yeah. Je voudrais dire que vous êtes sur une émission intelligente, hein, qui n'est pas communément appelée intelligente, mais qui l'est. C'est l'émission Nuisance. Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, c'est l'émission de toutes les nuisances. Et également l'émission qui nuit au sens, c'est l'émission de toutes les nuisances. Moi je voudrais faire une objection parce que c'est comme ils disent les postes intello, c'est pas une émission intelligente, c'est une émission, c'est une intelligence. C'est-à-dire les 4 cums qui sont là et les 5 qui sont là, et ben ils fabriquent à 5 une intelligence. Pour le coup, c'est un peu des tâches, moi y compris. Ah ouais, une sexiste. Attends, j'ai appris un truc, une blague super. Je voudrais m'enculer si c'est possible. Sexiste. C'est. D'accord, merci. Alors, c'est un mec et une nana, c'est un couple. Le mec, il dit ah ouais, moi je fais les tâches ménagères et ma femme, elle les nettoie. Bon. Elle est très bonne. Elle est si possible, elle est tuer ma femme. Je peux en raconter. Avant qu'elle apparaisse. Je peux en raconter une femme. Bien sûr, Thierro. Une femme nazie. La merde. Ah non, on n'est pas sur Arte. Arrête avec la magnésie. La on s'en bat les couilles. La magnésie. FTP. La bande de Gaza. Oh. Et l'Allemagne nazie. La merde, la merde, la merde, la merde. Ouais, bah, stop, ouais, l'incohérence prime. Yes, I. Je vais mettre un terme. C'est mon guélé. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bien. Mon guélé. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Un gueule. People have gone away. I need a light. And have never been found apart from now. I need a light. Now is the day. I need a lighter. Brothers and sisters, rise against the power of the Lord. We are with the shit. We are the champion. The shit is for us. We love the shit. The shit, we want the shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. I love you, shit. I love you so bad, I want you fuck you in the ass, shit. Fuck. C'est ma vie, cette histoire. C'est mon guéri qui reçoit un enfant défoncé et qui lui parle avec son accent allemand. Bonjour mon petit, je suis le professeur mon guéri. Nous allons faire ensemble une petite expérience. Hate. Point. peut-être... J'ai du merci, JP Yeman. Bob Marley. Bob Marley. J'ai beau t'expliquer mes trucs, tu n'en tiens pas compte. Copain de José Bové. Faucheur volontaire. Dans l'Ariège avec les hindous du Karnataka. Mais sur le transgénique, et quand ils étaient à Toulouse, ils dormaient à la chapelle. J'ai essayé de manger un bif contre le médecin génique. Alors, t'en fais des boulettes. Moi, j'ai fauché. Ouais, mais bon, ça disparaît. Avec José Bové et les hindous du Karnataka. Pour que ça disparaisse, excuse-moi, dans des boulettes de grains de maïs en poudre avec... comment ça s'appelle ce gras déjà? Tu m'as coincé la dernière fois. Avec du cambouis, on en fait des boulettes et on les jette au fond de l'eau. Et de préférence, là où il y a un volcan sous-marin, elle peut pas être débile quand même. Je voudrais préciser que l'émission Nuisance est entièrement responsable de cette merde. Oui. Mince, j'allais dire on est nullement responsable, mais c'est seulement Canal Sud qui n'est nullement responsable, c'est surtout Nuisance qui est responsable de cette merde. C'est... Je suis vraiment désolé, c'est moi la merde. Ah, excusez-moi encore, j'ai dit une connerie. Bon, bah, on n'a pas dit que je vous ai dit, d'accord. Et vous avancez une bonne soirée, donc amusez-vous bien. Bien être avec JP Yaman au micro, ouais. J'ai des dédicaces à faire. Alors, d'abord pour les Sambarisi, puisque c'est mes copains, et aussi à Manita Muscaria, où on a fait la soirée de Arnaud Bernard il n'y a pas très longtemps, avec un repas et tout ce qui s'ensuit, avec Jamal, Jairo, Ange B, etc. Et JP Yaman, bien sûr. Eh oui! Et notre ami Anne ne doit pas savoir ce que c'est un volcan sous-marin. Et que moi j'étais sur les côtes de Greenpeace, comment faire pour se débarrasser de cette saloperie? Ben, on va être méchant. Et les fonds bouffés aux mecs qui sont tôles, là. Et j'ai un autre truc. La farine animale est mangeable par l'être humain. Mais pas que ça. Moi, je sais pas comment ça s'est produit. J'en ai mangé quelques kilos. J'avais que 100 francs par semaine pour boire, manger et fumer. Heureusement, j'ai mes parents pour le tabac. Mais n'empêche, il ne me restait qu'un kilo de farine par jour et un bac de bière. Ouais, une bière au bistrot, j'aime pas ce pays. Donc, je bouffe la vache, la farine de vache animale en chapatis. J'avais rien d'autre. Rien d'autre. J'ai arrêté. Parce que bout de 7 jours, j'ai chié vert. J'ai donc demandé à Paul Bocuse de faire des beignets à la fin animale. La personne ne risque rien et l'écarissage des vaches s'en sort indemne. Parce que se débarrasser de la carcasse d'un animal que tu bouffes, ça commence à peser. Est-ce qu'on s'encule ou pas, tu sais? Non, mon cul pas, je porte pas. Alors, JP Yaman de Radio Canal Sud depuis 78, qui était la radio pirate Barbe Rouge, d'où j'ai fait donc l'interview de Bob Marley. C'est pour ça, depuis que là, qu'on m'appelle JP Yaman, a vu bien sûr tous les groupes Toulouse se monter, puisqu'ils venaient à mon émission qui s'appelait Ariwa, le label de Mad Professor London, jamaïcain. Festival Notting Hill, Mad Professor, le créateur du dub. Moi, je me suis fait extorquer la scène de Delhi, 3,5 m. On a refusé de me rendre les deux toiles, la crucifixion de Saint-Pierre et le sacrifice d'Isaac, avec lesquels, c'est en Espagne, hein, je préviens, avec lesquels j'avais un article d'un tiers de page dans le journal intitulé Les couleurs de la ville. J'ai la copine qui m'a dit il faut sauver l'eau. Que grâce à elle, enfin on va dire grâce à Dieu, parce que je l'ai perdu, l'eau coule de source pour la paix des siècles. Et des siècles. Vous avez vu les trompes d'eau qui sont tombées cet après-midi? J'étais à gendarmerie pour une plainte. J'ai vu l'eau tomber, mais j'étais bon dessous. Et quand l'interview s'est achevée, il ne pouvait plus. C'est donc que Dieu m'aime. Vraiment. Pourtant, je suis l'enfant qui souriait à la pluie. Nous sommes sur Radio Libertaire. Le droit de s'exprimer est ouvert à tous. Mais faut pas être con. Je n'ai pas juste à dire qu'il faut être intelligent. Parce que faire mieux que moi, au test de QI du livre de poche, pour répondre à la dernière question, tous les autres, je les ai réussi. J'ai 151 de quotient d'intelligence. Je vais pas dire QI quand même, parce que ça j'en ai pas trop. Mais pour faire mieux que moi, dans le texte de cul du livre de poche pour répondre à la dernière question. Et je crois que la question, c'est le Rubik's Cube. Je l'ai réussi quand même, mais bon. Bon, c'est Red. Je vois que j'ai carte blanche ce soir. Alors, j'aimerais la dépénalisation de l'herbe à laquelle j'étais invité par la brigade des stupes à tonton. Vous avez bien pu lire dans le journal Tonton interdit les drogues quelques années plus tard. Eh oui, il interdisait les drogues de chimiste. Pas l'herbe. Je me rappelle une fois. J'ai été emmené à Concorde, là où il y a un grand champ où c'est la fête du Miladou. Là, il y a un mec qui me fait comme ça. Si tu peux ramener un peu de bouffe, tu ramènes un peu d'herbe. Eh ben, j'ai marché 3 km jusqu'au village, pris légumes, bougies, charcuterie, deux côtes d'agneau, s'il vous plaît, et je rentre. Le mec redécorait entièrement l'autobus impérial. À l'aérographe, on mange ensemble, c'est un dimanche, et il a fini de manger en me disant que c'est mon petit gars, c'est la première fois qu'on mange de la viande dans un autobus. Vous ne pouvez pas me sortir de la tête que ce n'était pas le premier autobus impérial de Greenpeace à Noël 74 à Douarnenez. Venez voir notre film sur le massacre des baleines. Quel amour de choses, et j'ai marqué ma dimension auprès. Moi, gamin, j'avais 7 ans. Je réfléchis dans ma tête. Moi, une paire de cinéma, c'est 3,50. Excuse-moi. Je voudrais annoncer, donc il est à peu près, il est 22h15. Hein. Voilà, vous écoutez Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Et c'était également, je voudrais vous préciser que c'est l'émission Nuisance, donc qui bat son plein. L'émission Nuisance, c'est une émission brutiste qui a pour but désœuvrer, de nuire et de déplaire. Ça devrait être réussi, quoi. Ensuite... D'ouvrir la voie, comme dans la Napurna. Ouais, damnation éternelle et tous ces trucs-là, quoi. Blasphème. Ouais, cool. Et ensuite, on parlait sodomite tout à l'heure, donc si on peut conditionner sur les sodomites, ce serait vraiment excellent, quoi. Donc, bienvenue. Parmi nous. Sodomite. Allez, viens. parmi nous, sodomites. Viens, tu es là, sodomites, Sodome et Gomorre, venez, gomorites et sodomites. Gomorites, Gomorites, Gomorites, allez, venez, venez. Oui, les esprits des Gomorites et des Sodomites sont là. Bon, alors on voudrait vous préciser une chose, Sodomites et Gomorites, tenez votre langage, d'accord? C'est une radio sensée ici, et c'est un monde qui est civilisé, vous comprenez? Ok? Ok, on a compris. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va vous expliquer quelque chose d'autre. Il va absolument rien se passer pendant à peu près 2 heures, maintenant, encore, à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Demain. Je vais essayer de vous commenter la soirée de ce soir. La soirée de ce soir fut une soirée bonne en rebondissement et en trémoussement et en tressaillement aussi. Et elle fut aussi bonne dans ton cul. Je suis vraiment une merde et je m'encule tellement j'ai envie. Il est 22h39 sur l'horloge de la radio. Nuisance, c'est l'émission. Nuisance, donc m'encule. Ah ouais, la sodomie, ouais. Et blasphème, hérésie, horrible, horreur, sang, purulence. Attendez, je m'arrête la gorge, c'est horrible ça aussi. Et je m'encule toujours, donc je suis toujours là, à m'enculer, avec vous, devant vous, pour vous, en vous. Ouais, je précise toujours que enculer c'est pas une insulte, hein. Ouais, donc la sodomie, vive. Vive Satan la bite. Ouais, je veux... Et moi mon cul, moi, ouais, je m'encule aussi, c'est bon. Je voulais dire tout à l'heure, j'avais passé sous 7, je m'encule à 7, sec. Une heure, pour donner au moins 5 ans, sec. J'ai pas les moyens. Je m'encule vraiment, j'aime ça, je m'encule là, bien. Sodomie dans le cul. C'est moi qui mets la bite et le trou dedans, avec autour, partout. C'est beau la vie du cul, je m'encule. On se fait vraiment enculer par tous ces enculés de mouches. Nous-mêmes, on encule le monde. Parce que le monde, ça nous fait chier. Alors, on a décidé aujourd'hui de tergiverser. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va tergiverser pour vous. Tergiversons sur la déblatérance. La déblatérance, mesdames et messieurs, je me la mets dans le fion. Et oui, monsieur, madame, dans le fion, la déblatérance, et surtout... J'aimerais surtout prendre un fion dans le cul, oh mesdames et messieurs. Un fion dans le cul, oh mesdames et messieurs. Je voudrais vous faire un peu de batterie, si c'est possible. Je sais pas si ça va être possible. On va essayer, quoi. Ouais, donc ça a l'air possible. Ah mais c'est pas beau, hein. C'est pas beau à voir, ça va vraiment faire mal. Ah c'est pas beau, hein. C'est laid. Oh my God! What have I done? What have I become? Oh, it's full of shit. You know it is. It's always been so full of shit, you know. Nous sommes bientôt à l'antenne. Ouais. Ce monde est un monde d'enculé. Ouais. C'est celui qui met la dernière qui aura gagné. La merde. Tout ça, ouais, c'est vrai, gagner, ouais. Parle-moi-en de gagner du fion dans l'anus. C'est toujours ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, revenez, vous verrez du fion. Eh ben non, je suis pas d'accord. Ah ben, c'est red. J'en veux pas du fion, moi, je veux du fric, plein de fric. Moi, je suis original. Et j'ai pas même putain de professionnel pour mon frère. Je débrouille tout seul. Malgré tout ce que je subis. On vole, on délation. On non-respect de la personne. C'est bon. J'ai roulé un joint à l'antenne. Non, on n'en fait pas ça à l'antenne. C'est interdit. Tu parles pas de ça. Parce que sinon, je vais mentir. Et je vais dire la vérité après. Et ça craint. N'empêche, j'ai le droit de regarder sur ma tonton. T'as des sous-vêtements à tonton? Mais moi, j'ai pas de sous-vêtements, moi, mec. Moi, j'ai pas de sous-vêtements, moi. J'ai pas de sous-vêtements, moi, mec. J'ai pas de sous-vêtements. J'ai pas de sous-vêtements, moi, mec. Ouais, ça, c'est le beat. Le beat dans le cul. Le beat dans le cul, ouais, ouais. Ça, c'est le beat. Le beat dans le cul. T'as pas une belle poitrine. Nuisance pour vous ce soir, toujours au top de sa forme. On s'encule nous-mêmes tellement on aime s'enculer l'encule. Le fion l'encule, l'encule la sodomie, l'encule la sodomie, l'encule le fion, le fion. Le fion l'anus, l'anus, l'anus, purulent, purulent, purulent, purulent, purulent, purulent, plus vite, plus vite. T'es vraiment quelqu'un de formidable, l'anus, purulence, l'anus, sodomie, encule moi le fion. Ouais, on veut une guerre nucléaire ce soir. C'est pas enculé. Enculé. Ouais, la sodomie, ouais, la sodomie, c'est beau. Oui, au nucléaire militaire, non au nucléaire civil. Ouais, vive la guerre. On veut crever. Personnellement, j'ai suivi toute la guerre du Vietnam. Qu'est-ce que j'ai adoré à la télévision? Les c'est vrai ça. Ouais, j'étais né dans l'époque de la merde. Et je suis né une merde. Et je resterai une merde. Une grosse merde. Tu devrais pas dire ça. Moi je t'aime. Même si je mets ton trou du cul. Par contre, j'ai assisté. I'm gonna die tonight. Yeah, I know it. Finally. C'est la guerre du Vietnam. Après le faire. We're all gonna die. Ah, c'était pas une manière silencieuse. Ah, je me souviens, le bon vieux temps, le bon vieux temps d'une Cronenbourg dans le cul. Dans le cul. Dans le cul, la Cronenbourg. La Cronenbourg. Je mets une croix ou deux. C'est dans le fion, dans le fion, dans le fion. Qu'est-ce qu'on aime ça, le fion dans le cul. Je comprends rien à ce que tu dis, c'est moi, je suis vraiment désolé, j'ai encore mis la barre trop haut. J'aurais dû mettre le sujet sur le tabou plutôt que sur la bite. C'est ma faute. Le tabou c'est Le Pen. Le tabou c'est ta bite, j'en reviens à vous de tabou. Bite. Voilà. Ah merde, j'ai encore fait à Larsen. Je me coupe tous mes effets. This is about peace and love and cherish love. I love love, love, love, love, love, love, love, love, love. Love. Je l'aime à ma mère qui m'a jamais dit merci. Et le phénomène c'est pas le pouvoir des fleurs. C'est le pouvoir de la merde qu'on chérit. C'est dommage. Moi, personnellement, j'étais baba cool. Vous pouvez mettre les yeux ouverts depuis combien d'années? Parce que moi, perso, un mardi gras une session de ski, j'avais le maquillage quand même. Comme ils tiennent avec une pénération qui est de ceinture et le visage barbouillé de verre. C'est comme ça que je suis devenu le géant vert avec le surnom de marionnette de mon enfance, Babar. J'en ai ma claque de ce monde de con. J'aime autant vous le dire. Et la loi est complice de Jean-Marie Le Pen. J'ai fait une action armée contre lui. Je m'en suis sorti indemne. Depuis mon 30 ans, je pisse avec un tuyau, je suis pas écouté par la police et le procureur général s'en bat les couilles, le procureur de la République aussi, et en aucun cas je dois un avocat. Ça faut le faire avec mes œuvres d'art. Qui sont tous monuments historiques. Il y a un truc qui vient à l'esprit. La chanson d'Antoine. À 15 ans, mon maman m'a dit, va te la couper les cheveux. Je sais pas. Moi, j'avais au cinéma avec ma mère quand une coupe de cheveux. Fallait trop qu'on fasse une coupe de militaire. La salope est mon vieux. Si tu vas fumer la langue, c'est pour la tête. À l'époque où personne ne savait tout. donc j'étais en train d'expliquer au monde entier que je l'encule, tout à fait sec. Ça, ça va pas changer. Et maintenant, je vais lui expliquer pourquoi on n'entend rien. C'est parce que j'ai mis les volumes très forts. Essayer d'expliquer un peu plus clairement les choses. Si c'est possible, vous pouvez ne pas faire un overdrive material tout en imprimant le sens bilatéral de l'unilatéralité. Je voudrais te prendre un thé dans le fion, s'il te plaît. Ensuite, tu me retournes tout de suite la face avec un azur. Un azur non bleuté. Toujours moyen d'assurer l'anus, donc l'anus toujours doré. Merci bien. Something about worries. Worries. Something about worrying. Just doesn't happen much, you know. Something about the death that has gone away. It's got to be there. It's just got to happen, man. It's like it's there, you know. See what I mean? Like, you know, it's. I gotta. I admit there's something wrong here. Something very wrong. It's all going insane. Insanity is a membrane. A membrane made of flatulence. And purulence. Pulling up my ass. I can feel the sting of it. It's all shading away now. And that's when I can tell there's something very wrong going on. It's going on worse and worse than ever. Than ever. And ever. And ever. It's dead.